À travers les plaines fertiles passaient des chevauchés. Hommes de guerre courent l'inutile, c'est la loi des chevaliers. À travers des plaines fertiles, des routes ils ont semé. En voyage vers l'inutile, quand la gloire les appelait. Entre rois, seigneurs et guides, la terre se partageait, et l'âge d'or trouvait la fuite plus encore vers des rivages inabordés. Tant de mérite, le monde a succombé. Mais ce n'est rien, quand la foi brille, ce n'est rien. Vers le ciel ils se sont tournés. Car tant qu'une flamme brûle encore, il faut qu'elle serve de support à la conquête et au trésor encore. Le monde il s'effondre comme un décor, et puis tu le sais, tu trompes la mort tant que ta machine roule et roule encore. Prisonnier de ton époque, histoire comme bouclier. Sur la trace des chevaliers, à des siècles sur ta machine, tu suis leurs héritiers. Mais ton seigneur n'est plus le guide comme alors, dans ton monde accéléré. Flamme brûle encore, et que la chance ou bien le sort te dit d'aller plus vite encore, encore. Le monde s'effondre comme un décor, et puis tu le sais, tu trompes la mort tant que ta machine roule et roule encore. Sur la plaine que tu piétines, la route des chevaliers. Homme de guerre, cours l'inutile. La terre promise, tu l'as quittée.